Thank you.

parais, mais j'ai la sable. Un type normal, mais je viens d'ailleurs, je te sens, tu sais. Je suis qu'un type normal, c'est vrai, mais le meilleur. We'll be right back. We'll be right back. Thank you.